tout moment. Seigneur, c'est toi qui as envoyé ce message. Et nous sommes reconnaissants pour ça. Parle-nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Romains au chapitre 11, au nous allons prendre là le verset 29. Car le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Zambi makabona ngomu na nzambe mpe kubyanga na ye ikopota ma te. Marc chapitre 16. Malako okatazomi na mutoba le verset 15 longazomi na mitano à 18. Kinozomi na mwambe. Oui, il leur dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur sera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alobi na bango ete bokenda na mokili mobimba kosakola sango malamu epai na bato nyonso, moto nani akondima mpe akobatisama akobika, kasi moto nani akoboya kondima akokwela. Bilembo oyo ikozala na bango bakondima, bakobimisa milimo mabe na nkombo na ngai, bakoloba na minoko na sika, bakolokota banyoka soko bakomela eloko na kufa, ekoyokisa bango mpasi te, bakotia maboko na bato na malali mpe bakobika. De Timotee chapitre 4, verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Pepona komona na ye, pe bokozina ye. Najali ko lakayo ete, okosala liloba ozala na etinja na bilaka malamu, pe na bilaka malamu te. Omoni santina, opambola, opesa toli, na motema pete pe na kolakisa. Po ete tango ekoya wana, ekoyokaka bato mateo na sembo kati, Matéo na sembo te kasi, pona ko nyo mitisa matoi na bango, bakoyanganisa balakisi kobila posa na bango penza. Bakopengwa longwa na koyoka makambo na solo, bakobongwa koyoka masese na pamba, kasi yo omisenjela na makambo yonso, Uyamba bolongi, ujala mosala na mopalanganji sango, malamu, okokisa lisungi na yo nye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à tous et à chacun de vous, bienvenue à la table du Seigneur, après avoir prié, après avoir chanté pour Dieu, après avoir prié encore, dans la maison de prière, l'église de Dieu est une maison de prière, c'est un lieu de prière, un lieu d'adoration, comme cela est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Nous ne pouvons pas en faire une caverne de voleurs, des changeurs de monnaie, des cambristes, des trafiquants et tralala. La maison du Seigneur est une maison de prière. Nous aimons Dieu avec vérité. Pas toi? Nous aimons Dieu avec vérité. Nous aimons Dieu sincèrement. Tout ce qu'il nous demande de faire, nous le ferons. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur pour pouvoir poursuivre notre terme ici, comment vous pouvez ministrer la parole, mais nous sommes déjà dans cette particularité. Les éléments clés de comment éprouver le ministère sont déjà. Nous sommes dans une particularité, nous nous sommes focalisés sur le ministère promis au temps de la fin. Élie, le prophète qui devait venir. Et nous sommes en train d'examiner sa commission. Alors, il y a plusieurs semaines, et nous avons parlé de la première commission de William Branham. Alors nous sommes obligés ce soir de parler de la deuxième commission de William Branham. S'il plaira à Dieu que nous puissions détailler beaucoup, nous allons le faire. Nous allons quand même introduire pour dire la deuxième commission de William Branham. La première, nous l'avons étudiée. Elle avait pour base les Saintes Écritures. Cette première commission. Donc, nous l'avons examinée en accord avec Malachie 4. J'espère, par la grâce de Dieu, que la promesse de Malachie 4, verset 5 et 6, est claire pour chaque croyant membre de cette église. J'espère. Je n'impose pas, mais j'espère. Pour qui est-ce que c'est clair? Malachie 4, 5 et 6. Soyez sincère devant Dieu. C'est lui pour qui c'est clair. Là où il est dit, je vous enverrai le prophète avant que ne vienne les jours de l'Éternel. Jésus est grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est le texte de la Bible. Pour qui est-ce que c'est clair par nous? Levez simplement les doigts. Si ce n'est pas clair, gardez votre doigt avec vous. Comme ça, je saurais comment m'occuper de vous. Il n'y a pas de rassemblement, une hypocrisie pour me plaire. Parce que nous avons passé plusieurs semaines à parler de ça. Même si on a eu des sous-sujets, sous-pensées, mais il y a un texte de base. Je n'ai pas vu. Bon, maintenant, je pose la question inversement. C'est lui pour qui ce n'est pas clair. Je vais vous fixer rendez-vous, levez les doigts. Je vais vous inviter, nous allons parler. Nous ne faisons pas semblant d'avancer. Nous devons réellement avancer. C'est lui pour qui ce n'est pas clair, ou celle pour qui ce n'est pas clair. Levez les doigts. Aucun frère, aucune sœur, même pas les enfants de l'Écodim. J'espère que vous êtes sincères, quand vous gardez vos doigts abaissés là. Et puis demain après, oh non, Malachie 4 là, on en parlait seulement, mais je ne comprenais pas. On a donné l'occasion pour que ce soit clair. Comme Paul disait, je n'ai cessé de vous annoncer l'évangile de Dieu en public et en privé. Et dans vos maisons. Il y a la chair, ce n'est pas clair. Je suis prêt à venir. Ce n'est pas pour demander votre foufou. Vous venez parler de ça. Nous traitons des affaires du personnel. Donc le salut de votre âme nous intéresse au plus haut point. Et Dieu nous aide là. Bon, ici là, devant Dieu, même pas les enfants de l'Église. Comment je comprends ça? Que chacun de vous est capable d'évangéliser avec Malachie 4:5. Vous l'avez montré là. Chacun de vous peut prendre Malachie 4:5 et en parler à n'importe qui. Sans crainte d'être confondu. Avec sa Bible ici. Il peut retourner et dire ce qu'il y a. N'est-ce pas? Dans la prédication intitulée l'évangélisation au temps de la fin. Bien que la citation a été déformée par plusieurs prédicateurs, ils ont déformé. Ils disent Frère Brennan m'a dit, l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Ça, ça devient la citation facile dans la bouche des prédicateurs. Qui aiment toujours déformer la parole au point de lui donner le sens que eux-mêmes veulent lui donner. Et après avoir déformé, ils rendent ça très populaire. Et ça se répand partout. Les gens se mettent à répéter. Pour faire dire à Frère Brenham ce qu'il n'a pas dit. L'esprit des mensonges qui infiltre les assemblées. Nous devons veiller. Frère Brenham a dit, vous devez veiller au genre de semences qui entrent dans votre cœur. Parce qu'il y aura une dernière pluie qui va tomber. Et la pluie ne vient pas changer la nature de la semence. Quand vous avez semé le maïs, et que la pluie tombe dessus, le maïs ne va pas devenir les raisins. À cause de l'eau de pluie, le maïs va germer en tant que maïs. Donc si vous mettez de la parole perverse là-bas, l'onction qui va tomber, la pluie qui va venir, elle va manifester votre folie. Ce sera un tas de fausses doctrines et de fausses croyances tout en prétendant avoir la révélation. Mais Frère Branham, dans le message intitulé l'évangélisation au temps de la fin, il a dit le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est ça qu'il a dit. Non pas que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Et quand ils ont déformé comme ça, on commence à se répéter les uns aux autres. Et Frère Branham a dit, l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Vous savez la conséquence? C'est qu'ils ont voulu établir comme manière pratique pour qu'il y ait de la pure perversion, de se donner le droit et la liberté d'aller évangéliser les gens en leur lisant les brochures et non, de Frère Branham et non pas la Bible. Voilà l'œuvre de ces démons-là. Il déforme d'abord ce que le prophète a dit. Il rend ça très populaire dans des gens. Les plusieurs églises gobent ça. Aveuglément. En se retournant au sol. Voilà là où nous devons payer la dîme. Là où on a perdu la parole. Et après, quand ils évangélisent, ils ne lisent plus du tout la Bible. Ils disent, Branham a dit c'est Malachie 4. Et Malachie 4, c'est William Branham. Donc, pour évangéliser aujourd'hui, il faut amener les brochures aujourd'hui. Et Frère Branham a dit, dans le paragraphe 5, et vous étiez témoin. Heureusement, quand nous baptisons, nous avons toujours des témoins. Comme le premier service de baptême, le Frère Branham, en 1933, Il y avait des milliers de témoins à côté. Nous avons gardé cette crime là. Nous n'avons pas trop baptisé en secret. Nous baptisons toujours avec témoins. Comme ça, tu ne peux pas nier. Non, il y a des témoins. Tu ne peux pas nier ton engagement. Toujours, chaque fait est établi sur la déclaration de deux ou trois témoins. Voyez, frère. Alors, nous le faisons souvent comme cela. Nous étions à la rivière Milieu. N'avez-vous pas vu un pasteur qui est allé baptiser quelqu'un avec le condensé de cette eau en main? Une âme supposée venir croire le message. Le pasteur entre dans la rivière Ndjili là avant nous. Il avait des têtes chaudes. Le livre compilé par la voix de Dieu. Et il lit à cette personne dans des paragraphes. Il a lu, moi je l'ai regardé. Et puis il lit. Après, il invite un frère là. Il lui remet les têtes chaudes. Et puis il baptise. Il prend la personne avec moi. Voyez, frère, et puis il sort c'est des choses qui se font. Peut-être que toi tu n'avais pas remarqué, mais moi je me souviens avoir vu ça. C'est que les gens font au nom des messages. Mais où est sa Bible? Où est sa Bible, cet homme-là? Nous aimons bien les sept sous. Où est sa Bible, cet homme-là? Un autre pasteur, il a souvent répété à son église, moi je ne maîtrise pas du tout la Bible. Si vous m'amenez dans la Bible, je vais me perdre. Moi c'est le message de Frère Branham. Alléluia. C'est démoniaque. Ils ont besoin d'une vraie délivrance. Comment on peut se réduire dans la poussière de la mort? La Bible, c'est l'absolu de Dieu. C'est l'absolu de William Branham. Et même quand son église a connu l'inondation en 1937, sa Bible était toujours à la chair. Nous en avons aussi toujours une ici. S'il y a eu culte ou pas, livre de la chair. Et ce sera encore mieux quand nous serons dans notre tabernacle. Bon. Parce que moi, quelqu'un peut venir à Béliamo. Hein? Mais quand on va bien sécuriser partout, alors la Bible ne va pas quitter la chair. Quand l'église a connu l'inondation en 1937, tout était perdu. La Bible était trouvée. Et quand Frère Branham commente ce geste, ce signe là, il dit les cieux et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Gloire à Dieu. Connaissait l'importance de ce livre. Alors, Frère Branham n'a pas dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est malachika. Non, c'est faux. C'est un mensonge qui dit ça. Mais la vérité qu'il a dit, c'est que le message de l'évangéliste au temps de la fin est tiré de malachika. L'évangéliste va prendre la Bible. Et quand il veut évangéliser, il doit lire aux gens ce qui est écrit dans Malachika et à partir de ça évangéliser. Voyez-vous la différence? Donc il ne nous a pas appris à jeter la Bible à la poubelle ou la mettre sous les lits et puis dire nous avons les brochures, c'est mieux plus clair. Hein? La voix de la facilité. Mais il nous dit que le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Lisez Malachie 4 comme base de votre message évangélique. Quand vous voulez évangéliser, ouvrez votre Bible, lisez Malachie 4. Évangélisez maintenant les gens pour les avertir du grand jour qui vient. Mais leur montrer qu'avant que ces jours ne viennent, Dieu avait prévu un prophète et Dieu a tenu promet. Nous allons sur la bonne nouvelle. Et la promesse faite à nos pères. À travers le prophète Malachi. Dieu l'a accompli pour nous l'air enfants. En envoyant ce précieux message. Vous aimez comme ça? Dieu a envoyé ce précieux message. Et c'est par lui que nous évangélisons les gens. C'est un message biblique. Et nous sommes fiers de ça. Hein? Écoutez, dans question-réponse, je rappelle juste ici, le 12 janvier 1961, les paragraphes 384-385, nous l'avons lu. Dans, quand nous étions en train d'insister sur le fait que ce n'était pas l'homme William Branham qui était le précurseur de la première venue de Christ, de la deuxième venue de Christ, mais c'était le message. Et c'est ce que l'ange avait dit. Alors dans les sermons ici, il dit ça, écoutez frère, je vous adhère devant Christ, de vous tenir un peu tranquille, mais si vous êtes spirituel, vous comprendriez, vous voyez, ne connaissez-vous pas la toute première chose qu'il avait dite là à la rivière, la toute première chose, hein? La première commission. La toute première chose que lui Dieu avait dit là, à la rivière, ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il a dit? De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton message. Et il commente, c'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Bon, remarquez maintenant. De même que Jean-Baptiste. Eh bien, vous en avez tous entendu parler. Vous l'avez lu dans les livres. Et avez entendu parler ceux qui étaient là. Et qui ont entendu cela. Tout le reste. Quand cet ange lui-même donna ce message, disant, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec son message qui préparera la seconde venue de Christ. Eh bien, le message. Eh bien, hein? Le message. Sango. Eh, nous n'avons pas de problème avec le message. Au contraire, nous l'aimons et nous nous préparons par lui. Nous l'apprécions hautement. Alors, le 17 janvier 1955. Laissez-moi vérifier. Le 17 janvier 1955. Laissez-moi réverser. Oh. Oh, je devais réverser la date. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Dans la brochure, ils n'ont pas mis la date. Oh. Ah, je vais vérifier ici. Exact. C'est ça. Le 17 janvier 1955. Le Branham a prêché un message de Tutélie. Comment l'ange est venu à moi, et pour introduire cette prédication-là, il parlait de l'ange qui est venu à lui et de la commission que le Seigneur lui avait donnée par l'ange. Il a lu le livre de Romains chapitre 1, le verset 28 et 29. Nous, ce soir, nous venons de lire le verset 29. Il dit que le don et les appels de Dieu sont irrévocables. Alors, quand il a lu ça, voyez ce qu'il dit? Il y a quelque chose qui s'est passé vers la fin. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Quelque chose s'est passé là. Et c'était très important. Ici, dans ma brochure que j'ai eu à recevoir de la voix de Dieu il y a beaucoup d'années, ici je n'avais même pas écrit, c'est à l'époque où j'étais étudiant à Kisangani, à la faculté de médecine. Vous voyez. Alors, il se passait en 95 ou 97 comme ça. Je ne sais plus trop bien. Donc là, cette brochure n'avait pas de paragraphe. Mais les versions qui circulent actuellement, même à travers l'Internet, les programmes informatisés, les messages, contiennent des paragraphes. Alors, ici, dans cette brochure que j'ai avec moi ici, je prends à la page 78. À la page 78, il n'y a pas de paragraphe. Je vais prendre la page. Frère Nam dit ceci. Et un soir, c'était environ la quatrième ou cinquième fois. Je n'arrivais pas à comprendre le parler en langue et tout. Je croyais au baptême du Saint-Esprit. Et je croyais que les gens pouvaient parler en langue. Et un soir, alors que je m'avançais dans une cathédrale, à San Antonio, au Texas, je m'avançais sur l'estrade. Et un homme qui était assis là, s'est mis à parler en langue. C'était comme un fusil de chasse. Ou une mitrailleuse qui tirait. Et tout au fond, un homme s'est levé. Et il a dit, ainsi, téléphère. L'homme qui arrive sur l'estrade s'avance avec un ministère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, celui-là qui a commencé à dire ça, il a donné l'interprétation des langues qui parlait avant. Et Frère Brunham, lui, ne comprenait pas encore le parlement. Mais il en était à sa quatrième ou cinquième fois. De vivre ça, parmi les gens de la Pentecôte. Ok. Quelqu'un a parlé, il parle en langue, à la manière d'un fusil de chasse qui tire, comme une mitrailleuse, vraiment. Et quand il a fini, il y a quelqu'un qui s'est levé sous et qui a dit, ainsi dit le Seigneur, l'homme qui arrive sous l'esprit, William Branham, s'avance avec un ministère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. Et d'un homme que Jean-Baptiste a été envoyé comme premier précurseur de la venue de Jésus-Christ. Lui, il porte un message qui suscitera la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parler en langue traduite. Parler en langue interprétée à San Antonio dans une église parmi les gens qui ne croyaient pas le message. Mais le Saint-Esprit existe partout. Nous l'avons entendu hier. Jésus-Christ est le même partout. Et il est le même pour tous. Il assume ce qu'il a fait dit. Il rend témoignage à son ministre. Pendant que les gens controversé et douté. Il ne croyait pas. Mais Dieu lui confirme son don. Vous voyez qu'il ne tient pas compte de dire des choses. Dieu continue son programme sans arrêt. L'incrédulité n'arrête que l'incrédulité. Mais Dieu avancera dans son programme. Des gens qui ne connaissaient rien du message. Mais voilà qu'un don parmi eux-mêmes rend témoignage à son message. Et dit précisément, rapporte les paroles de la première commission de William Branham. Il dit, Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme premier précurseur de la venue de Jésus-Christ, lui, donc William Branham, il porte un message qui suscitera la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui aime bien croire, croie. Que celui qui adore l'incrédulité, doute. Il que Dieu avancera avec son programme. Et Branham dit, j'étais complètement démonté. Alors, en tant qu'une telle chose, dans alors que lui pouvait en parler, dans son assemblée, hein, oui. À Jeffersonville, mais il y en a San Antonio. Tu prends démonté. Comprends pas. J'ai levé les yeux et j'ai dit, connaissez-vous cet homme? Il a dit, non monsieur. J'ai dit, le connaissez-vous? Il a dit, non monsieur. Et j'ai dit, me connaissez-vous? Il a dit, non monsieur. Et j'ai dit, Alubi, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez la et il a dit, Alubi, j'ai vu ça dans les journaux. Et d'habitude, c'était le premier soir de réunion. Et j'ai regardé là-bas et j'ai dit, comment se fait-il que vous soyez ici? Il a dit, des gens de ma famille m'ont dit que vous alliez être ici. Un guérisseur divin. Et je suis venu. Donc les gens de sa famille ont présenté William Branham comme un guérisseur divin qui allait venir. Oh mon Dieu. Et j'ai dit, vous ne vous connaissez pas du tout. Il a dit, non. Oh là là. C'est là que j'ai vu que la puissance même du Saint-Esprit. Alors qu'avant, à un certain moment, j'avais pensé que c'était quelque chose de mal. Vous savez, son même ange de Dieu s'associer avec ces gens qui avaient ces choses-là. Même si ils en remettaient et qu'il y avait chez eux beaucoup de confitures et beaucoup de Babylone, n'empêche qu'il s'y trouvait quelque chose d'autre. Et j'ai vu que c'était vrai. Êtes-vous là? Quelque chose d'authentique. Et il a compris que l'ange s'associait à ces gens-là. Malgré qu'il y avait beaucoup de confusion, malgré la conception, et ils attendaient Branham comme un guérisseur du monde. Quand le Saint-Esprit a parlé, répétant les paroles de l'ange d'il y a des années, Branham a reconnu qu'il y avait là quelque chose de grave. Et que le même ange qui a toujours traité avec lui, ce même ange-là, voulait à présent s'associer. Gloire soit rendue à Dieu. Or l'ange qui vient traiter avec ce brebis n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Qui dit amen? Amen. Quand il parle souvent de l'ange qui venait, et même particulièrement dans la deuxième commission que nous voulons aborder, il sera question de cet ange qui était venu. Cet ange-là n'est pas le Seigneur Jésus. Voulez-vous bien? Je vais lire. Et cette fois-ci, j'ai eu le temps de comparer. C'est la même prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission. C'est le paragraphe 37. Vous qui pouvez vérifier dans votre base de données, vos références du message. Mais dans la brochure, c'est la page 55. Okay. Au paragraphe 37, donc page 55. Et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Et il dit ça avec la permission du Saint-Esprit. incitant ici le Saint-Esprit s'il voudrait bien le corriger au cas où il commettait une erreur en disant ça. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas. Selon cette vision-là. La vision d'une nuit où il a dit le Seigneur Jésus. En effet, dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Hein? Nous en avons parlé mercredi, non? Il est pesé combien? 58, quelque chose, kilogramme. Toi maintenant, tu connais ton poids. Moi aussi, je connais le mien. Comparez un peu. Donc, Jésus pèse moins que vous, là. Hein? Qui pèse 58 kilos ici? 58 kilos. Parmi nous. C'est un qui connaît son poids quand il monte à la balance. 58 kilos. Peut-être qu'il y a une personne qui a 58 mètres. Azali Penda Bongo. Personne? N'ayez pas honte. Vous allez lever les doigts, on vous dit, mettez-vous debout que tout l'assemblée, vous voyez à quoi ressemble 58 kilos parmi nous ici. Moi, je n'ai pas 58, je ne peux pas dire c'est moi. Hein? Alors, y a-t-il quelqu'un qui pèse 58 kilos? Il y a une azali na... Ou 59? 57? Ah, ce soir, malheureusement, personne. Parce qu'on pouvait voir à peu près. 57, 58 ou 59. Ou 60 kilos, 60. Ok. C'est Gabriel, mettez-vous debout. Donc, notre frère ici, vous lui enlevez encore 2 kilos. C'est ça, Jésus. Vous faites l'idée? Voyez la taille de frère Gabriel. Il est un peu plus gros que Jésus. Qui dit amen? Donc, voyez là. Après son poids ici. Ah, merci frère, asseyez-vous. Retranchez des kilos. Quand tu pries, Seigneur Jésus, notre Dieu. Et il n'y a pas à peu près le profil de ton frère Gabriel ici. À peu près, n'est-ce pas? Comme on dit, quelqu'un peut s'attarder à dire, mais n'a pas aussi vieillé. Il est d'un niveau que vous ne saurez pas atteindre. La chair ne sert à rien. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce Jésus-là, il est esprit. Azalakam père. Donc, très haut situé. Il est le fils du très haut. Il est lui-même très haut situé. Il est élevé. Il est élevé que tous. Amen. Hein? Alors, ne regardez pas l'apparence. Vous le méprisez. Vous le mais regardez plutôt à la parole, parce qu'il est la parole. Et celui-là qui est un petit homme comme ça, c'est lui qui a créé tout l'univers. Amen, amen. Ah, c'est comme si on disait un peu pour les enfants de Nicodème. On m'a dit que papa Gabriel là, ouais. Il y a peu près il faut croire ça. Il faut se simplifier suffisamment. Amen. Pour s'adapter à la voix de Dieu. Sinon, tu auras des raisons pour ne pas croire. Et comme ma provocation? Comment? Dieu est trop grand. Qui remplit les cieux et la terre. Il est plus grand que la terre elle-même. Maintenant, qu'est-ce que le prophète voulait dire? Dieu dit que le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Si vous voulez présenter quelle forme de corps il doit avoir, donc, là où il s'assoit, c'est très haut au ciel là-bas et la taille de ses pieds, ça descend jusque sur la terre. Donc la longueur des jambes de Dieu, c'est longue que vous imaginez de ce qu'il a dit là, c'est plusieurs kilomètres. Là, c'est la longueur des jambes de Dieu. La distance qui sépare la terre d'Abraham. C'est ça la taille des jambes de Dieu. Et là où il s'assoit son bâton, c'est au ciel. Et pendant qu'il est assis au ciel, ses pieds étaient à la terre. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, il vous faut la révélation. Si vous prenez l'imagination, elle va vous tenir loin de la réalité. Est-ce que les jambes de frère Gabriel mesurent un kilomètre? Ou même 2 mètres ici? Frère Gabriel, mettez pas encore des bondes, on vous dérange un peu. On fait ça parce qu'il y a les enfants de Nicodème qui sont maintenant congés. La taille des jambes ici, c'est même 2 mètres. C'est toute la taille de frère Gabriel. Est-ce que ça atteint même 2 mètres? Jusqu'à la tête. Moins de 2 mètres. Maintenant, Dieu est assis au ciel et ses pieds foulent la terre. Vous imaginez quoi? Un gigantesque Dieu, un personnage monstrueux dont les yeux ne peuvent pas voir les limites de son corps. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Des dessinateurs au bâtiment de Jova, ce sont des gens maudits, hein. Bah, voilà, il ne pouvait que dessiner. Aucune réalité. Bah, si on leur demande de dessiner, Dieu assis au ciel, avec les pieds sur la terre, alors, bah, ils vont dessiner un monstre gros là. Bah, avec une tête illimitée. Et puis disent, c'est ça, Jéhovah notre. Il est tout grand, il remplit les cieux et la terre. On dessinait une petite terre comme ça. Et un gros monsieur dont le ventre dépasse même la taille de la terre. Pour expliquer qu'il remplit les cieux et la terre. Les imaginations trompeuses. La parole est une révélation. Nous apprécions et nous remercions Dieu pour un problème. Éloignez-vous de ces choses imaginaires. C'est faible homme. La vérité de Dieu est ailleurs. Et il vous faut la connaître. Et quand le Seigneur Jésus apparaît à Ouliangwana, selon la vision qu'il a eu de lui, il était un petit homme. Il n'était pas. J'étais allé dans le champ prier pour mon papa. Et je suis revenu, je suis allé prier. Et cette nuit-là, je l'ai regardé. Et j'ai dit, oh Dieu, sauve-le. Sauve mon papa. Sauve-le. Et je l'ai regardé. Alors, paragraphe 38 et suivant. Ma mère avait été sauvée et je l'avais baptisée. C'est frère Branham qui a baptisé sa propre mère. Alors, je me suis dit, oh mon père boit tellement. Et je me disais, si seulement je pouvais l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Je suis sorti. Et je me suis allongé sur un vieux grabat dans la chambre de devant, près de la porte. Quelqu'un m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Et je me suis mis à marcher. Je suis retourné dans le champ derrière moi. Un vieux champ déjeuner. Il a, à pas plus de 10 pieds, donc environ 3 mètres de là où il était. De moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Ses bras étaient repliés comme six. Et il avait une barbe assez courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de côté par rapport à moi. Comme cela. Et une silhouette paisible. Un petit homme. Mais qui regardait de côté par rapport à Bazalikotale Mofanzi, mais il lui apparaît quand même. Parce qu'il y a même moniqué pas une année. Je n'arrive pas à comprendre. N'a compris que sous son attire. Ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Le colonel de la Kimbo, quoi, c'est pas la Mososo. Et il y avait le vent qui soufflait. Et son vêtement bougeait. Et il est gêné, les arbres s'agitaient. Je me suis dit, mais un instant là, je me suis mordi, j'ai dit bon, je ne dors pas, et j'ai tiré, j'ai arraché un bout, un petit bout de gêné. Et bon, c'est un arbre d'année naturelle, je ne dors pas. Et vous savez, et il y a comme un cure-dent là-dedans. Je l'ai mis aussi dans ma bouche pour vérifier qu'il dort ou il ne dort pas. Et je l'ai regardé vers la maison. Et j'ai dit non, j'étais là-bas en train de prier pour papa. Quelque chose m'a dit de venir ici. Et voici cet homme qui est là. Je me suis dit, ça ressemble au Seigneur Jésus. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Il regardait exactement dans la direction précise de l'endroit où se trouve notre maison en ce moment. Alors, je me suis déplacé de côté pour voir si j'arriverais à le voir. Et je pouvais voir le côté de son visage. Comme ça. Mais, et j'ai dû le contourner complètement de ce côté pour le voir. Et j'ai dit, il n'a pas bougé du tout. Et je me suis dit, je crois que je vais l'appeler. Alors j'ai dit, Jésus. Il n'arrivait pas à voir le visage. Ah, il retourne, c'est comme si la même position reste la même position. Vous comprenez ce qu'il y a? Là où il était, il regarde. Il a regardé de côté. Il fait il bouge pas. Il tourne. Et Jésus continue à être dans la même position. Ce qu'elle est très fort. Mais lui, il tourne. C'est la même position. Il continue. Là, il reste la même position. C'est comme s'il tournait à la même chose. Il dit, bon, je vais l'appeler. Jésus. Ah, mon Dieu. Quelle situation. Jésus est mystique, hein. Vous ne réalisez pas. Hier, juste là, quand il a dit c'est moi, les gens sont tombés. Et à ce moment-là, il a tourné la tête. Pour regarder comme ça. C'est tout ce dont je me souviens. Et tout ce dont je me souviens. Il a simplement tendu les bras. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait. Quand Branham a vu ce visage-là, il dit, c'est tout ce dont je me souviens. Artiste, donc il a zappé. À quoi qu'on réussit, qu'on dessine exactement l'onguinaïs. en sa vie. Le meilleur que Jésus. C'est cette fête de Christ. À 33 ans. De Hoffman. Je le mets sur tous mes imprimés. Les messages de campagne, les invitations et tout. Il le mettait toujours l'image, le dessin de Christ. Hoffman. Et Hoffman avait dessiné Jésus devant la femme samaritaine. Le portrait complet, c'est celui-là. Jésus assis devant la femme samaritaine, causant avec elle. Et il avait dessiné Jésus d'un côté et la femme samaritaine avec sa cruche. Alors, les gens ont pris la photo extraite de ce portrait-là. Ils ont coupé la partie de la tête avec une partie de la tête. Et cette photo-là qui est plus populaire dans le milieu du Nigerian. Vous l'avez, c'est une photo découpée. Mais l'original de Hoffman, c'est pas juste la tête et la poitrine. Mais c'est tout le corps. Avec son par-dessus et tout, juste le sandal de ses pieds. Voilà. Mais quand on a coupé une partie, la tête de Christ, d'ailleurs, selon le dessin original de Hoffman, les regards de Jésus dans ce dessin-là, une œuvre d'art, n'était pas tourné à droite. C'était à gauche. Donc, Jésus est assis comme ceci. Et la femme samaritaine est à sa gauche avec sa cruche. C'est ça le dessin original. Une œuvre d'art. Donc, de l'imagination d'un certain Hoffman. Maintenant, nos frères du message, après avoir pris la photo là, ils sont allés au laboratoire et ils ont retourné la pellicule pour faire en sorte que Jésus qui regardait à gauche dans le dessin de Hoffman, maintenant dans la photo que nous avons, que nous partageons, que nous avons de le même Jésus là regarde maintenant à droite. Mais la photo qui regarde à droite, c'est un montage. C'est pas l'original. L'original, il regarde à gauche. Mais la pellicule travaillée au laboratoire a retourné la tête vers la droite. Oh mon Dieu, nous les hommes. Et c'est comme ça que certains ont pris encore cette photo retournée là, qui était déjà un montage. Ils sont allés encore au laboratoire prendre la photo de la colonne de nuit dont nous avons parlé mercredi. Ils ont encore greffé ça à l'intérieur de la pyramide. Toujours des faussaires. Appelons le chat par son nom, mes amis. Ce sont les falsificateurs. Vous savez, les œuvres d'art sont protégées parce qu'on appelle les droits d'auteur. Vous faites des choses comme ça, si quelqu'un, l'auteur avait protégé ses droits, vous méritez la prison. Il porte plainte, on vous met en prison, vous êtes dédommagé. Parce que vous avez abîmé son œuvre. C'est pas ce que lui avait fait. Vous avez déformé pour en faire ce que vous voulez. Bien aimé, l'esprit de perversion. Moi, je ne trouve pas sa place dans ce message. Je me demande pourquoi beaucoup d'entre nous voyons les choses perverties. Nous semblons plus à l'aise avec des choses perverties. Parce qu'on voit que c'est plus beau, c'est plus attrayant, parce que nous aimons la beauté et le péché. Mais gardez l'original. Gardez-le. Aimez les choses authentiques. Laissez chaque chose telle qu'elle était. De même, les gens aiment changer la couleur de leur peau. Dieu est appelé noir, de par aspect pour nous cosmétiques, pour devenir blanc comme un cochon. Pour avoir comme un pembe, le corps. Je vais me demander, est-ce un cochon ou un être humain? Nous allons moto. C'est pas normal. Soyez ce que Dieu a fait de vous. Aimez garder les choses dans leur originalité. Que vos cheveux restent naturels. Que votre ceinture reste naturelle. Que vos ongles vous laissez restent naturels. Amen. Des sœurs ici à l'église qui mettent des vernis à ongles ici dans l'église. Ah, wakati ba hypocrite. Yo tango botama ki manzaka noza yi bleu, to violet. Zamba pesa ko manzaka bodel. Oh non, ikata na kapamba, lokuta na yo. Voilà. Toujours l'amour des choses du monde. Tango nyoso bolingu ya biloka mpani. Ezali malamu ke. Amen. Alors, Osman appelle. Et le propre nom a pris l'habitude de mettre cette photo-là sur tous les imprimés de ces missions évangéliques. Mais après lui, voilà ce que nous les frères quoi, de message, nous avons fait. On est allé jusqu'à déformer même la colonne des nuées. La photo de Frère Branham sous la colonne de feu. Le jour où il a été photographié, ce n'était pas un appareil photo en couleur. En 1950, c'était du noir et blanc. Et la cravate qu'il avait portée était. Mais la photo originale est en noir et blanc. Mais regardez ce que nous avons dans nos maisons. On a atteint ça un peu en jaune. Et parfois vous voyez Frère Branham en cravate bleue. Bleu avec la colonne de feu au-dessus de la tête. Bon. La photo là avec une cravate bleue. Ça ce n'était pas l'original. À l'église. Mais c'est un frère du Branham Tabernacle qui a eu à dessiner Frère Branham à partir de la photo de la colonne de feu. Il l'a refait manuellement avec son encre et sa plume. Et puis arrivé au niveau de la cravate, il a trouvé pour le mettre le motif bleu. Et il est venu offrir ça comme cadeau à Frère Branham. C'était une œuvre d'art, une peinture comme celle de Hoffmann. Mais ce n'est pas l'original. La colonne de feu du 24 janvier 1950 était noir et blanc. Elle n'était pas colorée. C'était noir et blanc. C'est comme ça que le studio Douglas avait pris. Douglas Vous direz, mais pourquoi tous ces petits détails? Oh non. Justement parce qu'il y a l'esprit de perversion. Et qui aime rendre plus populaire les choses perverties, déformées. Qui ne sont plus l'original. Et on aime nous nourrir toujours plus de temps. Pour abîmer nos esprits. Pour nous conditionner. Pour le matin, à quoi la société. Rejetons ça, frère. Nous aimons bien les choses originales. Même si ça n'a pas de beauté ni d'éclat, moi je préférerais l'original, c'est les choses falsifiées. Des frères sont allés au laboratoire. Pour aller faire des montages, des combinaisons. La photo de la colonne de nuit. À Paris le 28 février 1963. Et la photo de Christ et l'Hoffmann. Tout ça pour rendre le visage plus clair. Or, une telle chose n'existe pas dans les programmes. Quand il est apparu en 1943, il avait traqué son visage. Vous ne pouvez pas mieux faire que lui. Il a laissé que ce soit photographié dans cet état-là. C'est amen. L'esprit de la perversion. Il est de qui de Dieu? Qui est le pervertisseur? c'est toujours Satan. Tout ce qui est perverti est l'œuvre du diable. Même si on vous taxera d'extrémiste, soyez fiers de garder l'original. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Mais vous verrez que l'original est impopulaire. Comme toujours, Christ lui-même, quand il est venu impopulaire, les gens l'ont suivi pour des miracles. Mais quand il a présenté sa vraie identité, ils se sont achetés une longue idée. En éliminant les circonstances. C'est ça. L'original est souvent impopulaire. Mais les choses perverties, hybridées, voilà ce qui se répand partout. Consommons original. Gardons original. Restons original. On va prêcher frère Branham l'original. C'est tout un sermon. L'original. Alors il dit ceci. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait perdre son portrait. Les traits de son visage. Que lui a vu dans la vision. Le meilleur que j'ai vu. C'est cette tête de Christ à 33 ans. De Asman. Je le mets sur tous mes imprimés. Et tout ce que j'utilise. Parce que c'est tout à fait ressemblant. C'est très proche. Aussi proche que ça pourrait l'être. On aurait dit un homme qui, s'il avait parlé, saurait être la fin du monde. Ce petit homme-là qu'il a vu là. C'est Jésus-là, ce petit homme-là qu'il a vu dans la vision. On dirait que c'était un homme qui s'il osait parler. Ce serait immédiatement la fin du monde. Mais un petit homme suspendu dans le vide là. Regardant de côté. Vraiment, essayez de voir. C'est à peine qu'il voit le profil ici de son visage. De son visage. Il tourne. Il tourne. Rien. Azosu se bouge naïti. Au moins, ceux qui ont mutoyé le gars Sima, on m'a dit qu'il a mutoyé Sima Nayo. Il saute. Pourquoi? Parce que tu es émotif. N'est pas émotif. Branham l'a essayé avec ses yeux. Le truc là pour réveiller son âme. Imperturbable. Oh! Rien, bouge pas. Allons-y, je vais l'appeler. Jésus! Il tourne seulement pour regarder. En pendant quelques secondes, Madame Marie va voir le visage quand même de Jésus. Hey! Hey! Il dit, c'est pour ces deux, je me souviens. Vous voyez ce qui se passe ensuite? Un humain. Et maintenant, vous allez prendre cet homme Branham, le mettre à l'égal de Jésus, ou faire de lui plus que Jésus. Ça, c'est la pire des sorcelleries. Ok, si ma vaki c'est wapi, ou y'a qu'on bébé se bat dans un mène modèle wana. Basse yo yo, baso te branam die, baso ti on la yesu, baso mone bouquet, a za pamba, y branam de mounene. Ça c'est la pire des sorcelleries. Wane zali ki ndo ki wa ma kasse mi ya ba pepe za. A se ouvert. Ou y'a polele mou yani sa bato. Honte à ces gens-là. Mais Branham dit, on aurait dit un homme qui, s'il avait parlé, saurait qu'il est la fin du monde. Et pourtant, tellement rempli d'amour et c'est beau. Et je me suis effondré. Vous y êtes, hein? Yes, Mouninga n'a pas ma femme bataille. En Gabamissi, comme on va dire, le Ata, ça paie ça aux puissances. Après ça, yoboye. Kebaka. Atega l'inzambe, l'ikolo. Amen. On commence à n'a pas en bambate. Branham s'est effondré. Et dites-moi, quand est-ce que Jésus s'est-il effondré devant Branham? Pour venir nous raconter vos rêves là. Des fables et des histoires. Je me suis effondré. Et au lever du jour, je me suis retrouvé à l'aube, ma veste de pyjama trempée de larmes. K.O. Et ça, lequel est ce qu'on était? Tangwazi choku wana ya komore lumyankolo. Atikali makali kare. Mwaye yekola mwana tongo. Atala milambara inoso. Nyoso poli na mwaya niso. Kolela na kolela. Et c'est celui-là qui est plus que Jésus. Vous pensez vraiment? Vous allez vous tanga sangonini yo. Oh là là. Je me suis effondré. Na foya ki. Et on l'a fait du jour. Na mokuna. Je me suis retrouvé. Alors, kino na mokuna. Ma veste de pyjama trempée de larmes. Na piso ni penza. Et quand je suis revenu à moi. Tango na misonde na kati nangai. Je marchais dans le champ de génie. Tambola ki kuna ne langa ya nzeki wana. Pour retourner à la maison. Pona kozonga. Tout mon yé de larmes. Wana na poli na piso li. Alleli, alleli, alleli, alleli sans qu'on m'y ait pas. Et tout ça c'est quoi? Le choc de l'avoir vu. Et hier nous avons dit, et tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas être avec lui. Excusez. Paul l'a vu. Paul a monaki. Étienne l'a vu. Stéphane a monaki. Branham l'a vu. Panapa monaki. Moi aussi je l'ai vu. Raipi na komona e. En position crucifiée. Na lolenga siko baka mane kula. C'est la chose qui déclenche ma nouvelle naissance. Il y a des années et des années. Musa mibuna mibuna. Frère, cette nuit-là j'ai pleuré. Musa na lela ki. Et je peux comprendre ce que frère Branham écrit. Musa la onde kuvana komiawa. De 3h du matin jusqu'à 7h du matin. Je n'arrivais pas à arrêter ni de prier, ni de pleurer. Ça se mêlait comme cela. Oh, Dieu a eu pitié de mon âme perdue. Pour me faire goûter son salut. La repentance va faire mon destin de réalité. Nous ne devons pas venir avec le cœur de pierre et demeurer comme ça. Que la grâce de Dieu touche votre cœur. Que sa bonté produise la repentance. Oui, c'est encore possible maintenant. Le formalisme n'est pas notre qualité. Nous aimons les choses authentiques. Les expériences authentiques. La présence authentique de Dieu. La puissance authentique de Dieu. La parole authentique de Dieu. Tout doit être original. Original. Original. C'est vrai. Amen. Il s'est relevé comme ça, il est retourné à la maison. Et j'ai raconté ça à un de mes amis dans le ministère. Il a dit, Billy, cela va te rendre fou. Au moins, il va te rendre fou. Il va te rendre fou. Il va te rendre fou. Il va te rendre fou. Il va te rendre fou. Talaka, okokabola biloko mosantu na nani. Le Seigneur a dit, ne jetez pas vos perles devant le pouce. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Parce qu'ils vont se retourner et vous mordre. Voilà celui-ci. Pourtant, il est dans le ministère. L'œuvre d'âme trouve qu'il fait ceci à lui. Partagez un peu, il dit, voilà ce que je veux, ce que je veux. Il dit, Billy, cela va te rendre fou. C'est comme si lui disait, Billy, on va réaliser un modèle où on a tika kango ya gobele liboma, on a l'ongle bilamba de tige. Un prédicateur comme lui. Maintenant les âmes que lui à qui il prêchait, il les amène où? Est-ce un individu peut-il apprécier l'expérience de repentance? Même si vous venez de raconter. Il n'en sait rien. Parce qu'il n'en a jamais vécu lui-même. Faites attention à qui vous confiez votre âme. Faites attention, frère, frère. Vous n'avez qu'une seule âme. Donnez-lui le meilleur soin. Veillez à sa meilleure protection. Ça a été battu à ma malamou. Il a dit Billy, cela va se rendre fou. Et il a dit, c'est du diable. Voilà comment les chiens peuvent mordre un frère étranger. C'est diable. Ne savez pas comment de tels qualificatifs peuvent blesser un frère rempli de vies. La chose même qui représente plus que la vie, vous taxez ça pour le diable. Et il a dit, ne touche surtout pas à ces choses-là. À cette époque, j'étais prédicateur baptiste. Eh bien, je suis allé voir un autre de mes vieux amis. Et je me suis assis, je lui dis. Je lui en ai parlé. J'ai dit, frère, qu'est-ce que vous en pensez? Et il a dit, eh bien, Billy, je vais te dire. Hein. Il a dit, je crois que si tu tâches de toujours vivre la vie correcte, prêcher seulement ce qu'il y a dans la Bible, ici, la grâce de Dieu est tout. À ta place, je n'irai pas après une chose invraisemblable. Une chose comme celle-là, à ta place. Je ne vais pas considérer une chose invraisemblable. C'est seulement ce qu'il y a dans la Bible. Essaye de mener une vie correcte, c'est tout. J'ai dit, monsieur, je ne cherche pas à aller après une chose invraisemblable. J'ai dit, tout ce que j'essaye de voir, c'est de quoi il s'agit. Quelqu'un a passé une expérience, plus qu'une vision. Ça a commencé par une vision, mais ça s'est transformé en expérience. Il s'est retrouvé là, couché, l'âme, pleurant. Parlez-lui, tout est une nuit. Et quand il revient à lui, son pyjama est mouillé de là. Il vient vers un prédicateur. Le prédicateur qui s'occupe des choses spirituelles lui dit, c'est un peu de quoi il s'agit. D'après la parole. Le premier dit que ça va te rendre fou. Il dit que c'est du diable. Le deuxième dit, mais une chose d'après ça. Quoi vraiment? Mon Dieu. Quand il est venu à l'église, il est venu. C'est triste. J'ai dit, j'essaye de voir de quoi il s'agit. Et il a dit, Billy, il y a bien des années, on avait ces choses-là dans les villes. Mais il a dit, quand les apôtres ont pris fin, ces choses-là ont pris fin avec eux. Il a dit, maintenant, la seule chose que nous avons, pour ceux qui voient de ces choses, hein, il dit, ce sont des spirites des démons. Il a dit, démons. Mais tu ne connais que c'était dans l'église. Voilà à quel point les gens, les prédicateurs, sont éloignés de la foi. La foi apostolique. Et j'ai dit, frère Makine, êtes-vous sérieux? Vous allez penser à la vie? Oui, monsieur. J'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi. J'ai dit, frère Makine, voulez-vous prier avec moi? Que Dieu ne laisse jamais cela m'arriver. Si vous dites que c'est démoniaque, hein, vous savez que je l'aime. Et je ne veux pas être dans l'erreur avec ces choses-là. J'ai dit, priez avec moi. Il a dit, je veux le faire faire bien. Et alors nous avons prié. Là, dans le presbytère. J'ai demandé à plusieurs prédicateurs. C'était toujours la même réponse. Et après ça, j'ai eu peur de leur demander. Parce qu'ils allaient penser que j'étais un démon. Alors, je ne voulais pas être comme ça. Je savais qu'il s'était passé quelque chose dans mon cœur. Alors, voilà tout. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon cœur. Et je ne voulais pas être comme ça, jamais. Alors quelques années plus tard, j'ai entendu un jour à la première église baptiste, quand j'étais membre à l'époque, j'ai entendu quelqu'un qui disait, Vous auriez dû aller là-bas, écouter tes exaltations. Encore des qualificatifs. Négatif, péjoratif. Voilà. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cette parole de l'Écriture est la vérité. Ne pensez pas que ce soit facile. Est-ce vous l'avez bien aimé? Mais lui a vu Jésus. Et il nous a dit, nous l'avons entendu ce soir, l'ange du Seigneur qui venait à lui n'était pas Jésus-Christ. Je vais lire ici. À la nourriture spirituelle au temps convenant. Nous sommes en train d'approcher vers la pensée que nous voulons exploiter. Nourriture spirituelle au temps convenant. En accord avec sa commission et son ministère. Paragraphe 141 à 143. Et par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce soir. Soyez attentifs. Nous faisons qu'introduire un peu. Et dimanche, je voulant, nous allons essayer encore. La deuxième commission de William Branham. Il dit ceci. Or, il y a très très longtemps que je n'ai pas fait une ligne de prière. Combien se souviennent de ma commission au moment où nous avons construit le tabernacle ici? Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et Frère Branham est allé jusqu'à couper la page de 2 Timothée 4 que nous avons lu. Il a coupé ça. Et il avait mis ça dans la pierre angulaire du Branham Tabernacle. Alors il demande ici combien se souviennent de sa commission au moment où l'on construisait le tabernacle. Il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Quand il a eu appelé ça même sa commission. Ok. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Commentaire. Il n'a pas dit que j'étais un évangéliste. Mais il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et le pasteur, c'est la Bible que nous avons lu. Ne parlait-il pas de la même manière? De Timothée 4, le verset 5, que nous avons lu pour introduire les sermons ce soir. Revenons un peu là un moment. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Attention maintenant. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Virgule. Remplis bien ton ministère. Il y a deux choses qui apparaissent à la fin ici. L'ordre de faire l'œuvre d'un évangéliste, suivi d'une virgule qui sépare deux choses, deux pensées, et suivi de la phrase terminale, remplis bien ton ministère. C'est le Saint-Esprit, par la plume de Paul, qui écrit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais aussi de bien remplir son ministère. Deux pensées. On fait l'œuvre d'un évangéliste, c'est une chose, et remplir bien son ministère, c'est une autre chose. Et quand vous prenez le verset dans son ensemble, il dit d'abord, mais toi, sois sobre. Dites-moi, est-ce que être sobre, c'est remplir un ministère? Est-ce qu'être sobre, c'est faire l'œuvre d'un évangéliste? L'on dit d'abord, Sois sobre. Être sobre est une chose à part. Ensuite, supporte les souffrances. Est-ce que supporter les souffrances veut dire être sobre? C'est pas synonyme. C'est pour qualifier. C'est autre chose. Supporter les souffrances. C'est une autre pensée, un autre ordre. Mais toi, sois sobre en toute chose. Supporte les souffrances. Êtes-vous là? C'est la deuxième chose. Troisième chose qui est ordonnée, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Elle n'est pas synonyme des deux premières choses qui sont citées dans ce verset. Elle n'est pas non plus synonyme de la quatrième chose qui viendra dans ce verset. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et enfin, remplis bien ministère. C'est que Timothée avait un ministère bien déterminé. Que Dieu avait placé en lui un don précis qui était irrévocable, comme dit Romains 11. Les noms et les appels de Dieu sont irrévocables. Pour Timothée, il avait un ministère dépendant d'un appel. C'est son ministère là que Paul connaissait, au sujet duquel il lui dit, remplis bien ton ministère. Mais avant de conclure par remplir bien ton ministère, il commence par lui dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. À faible annonce, qui avait déjà son appel depuis son enfant. À l'âge de combien d'années? 7 ans. C'était déjà vu. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis ton corps de manière, car il y aura une œuvre accomplie par toi quand tu seras plus âgé. À 17 ans. Ce n'était pas la commission de William Branham. Mais c'était juste l'appel de William Branham. Dieu voulait le mettre à l'écart. Il voulait le séparer d'avec ses semblables. C'est l'appel de Dieu qui fait ça. Il vous sépare. Ensuite, il lui adresse une commission. Il lui adresse une commission. La première commission, le 18 juin 1930. En présence de milliers de témoins. Nous savons ce que c'est. Parce que ça a été enseigné. N'est-ce pas? Et la deuxième commission, là c'était au mois de mai 1946. Voyez ça? Et c'est ce que nous allons voir. Par la grâce de Dieu, décortiquez-moi. Là, l'ange du Seigneur était venu. Mais cet ange-là qui était venu n'était pas le Seigneur Jésus. C'est ce que nous retenons, nous devons savoir dès le départ. Même si vous le voyez puissant, et que quand il a vu, il était presque paralysé, ne confondez pas l'ange à son Seigneur. L'ange reste l'ange, le Seigneur reste Dieu. Amen. Amen. Alors, Timothée avait un appel. Il avait une commission pour le ministère. Et Frère Branham a dit que Timothée avait un ministère apostolique. Timothée était un apôtre. Un apôtre un peu comme Paul. Un apôtre comme Pierre. Un apôtre. Son ministère était celui mais dans 2 Timothée 4 verset 5, un autre apôtre comme lui, mais qui avait rendu un père dans l'évangile par rapport à lui, Timothée, il était aussi sonné dans la foi, et lui donnait des directives dans le service, tout, parce que Dieu avait placé l'ordre comme cela, et lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais après ça, mais de remplir aussi bien son ministère. Quel est son ministère de Timothée? Dans l'âge de l'église de Fès, Frère Branham nous disait, c'est un ministère apostolique qui était en Timothée. L'âge de l'église de Fès, voilà. Okay. Donc, l'ordination. Vous voyez. Alors, il avait le ministère d'un apôtre, mais il lui est demandé de faire l'œuvre d'un évangéliste. La Bible ne lui a pas dit de devenir un évangéliste, mais faire l'œuvre. Pour donner l'exemple, comme dans les maisons, dans les foyers, ce sont les dames qui font la cuisine, non? Peut-il arriver que l'homme, le papa, puisse faire un peu la cuisine pour la famille? Attends, la foufou, ma bébé, et ambiance, n'en d'accord, hein? Ma bébé, il sera tout ce qui, ainsi va la vie. Ah, l'homme, qui est-ce qui boyait tout ça, histoire. Ah oui, il faut des fois des moments comme ça. Il ne faut pas être trop bloqué, trop complexé comme ça. Hein? Les gars, qui viennent de nos cuisines, mon goût. Au bébé, n'en a pas ma bébé, on. Allez, yango, bon appétit. Hé! Qui va manger? Personne. Et tout. Ainsi va la vie. Voilà. Hein? Il faut aussi la bonne humeur en famille. Pas que les esprits soient toujours tangis, nerveux. Comme si c'était un asile des aliénés mentaux. Les alliés fans de Yabato, personne ne va parler gentiment. Ils ne doivent pas être que ça. Ok. La bonne humeur doit être là. C'est pas bien, hein? Frère, tu vas faire ça? Un peu jour, j'ai quand même fait la cuisine. Fais un peu l'œuvre d'un cuisinier. Il y a même un adage, ça c'est pas un verset biblique. Il y a un adage qui a dit que les hommes sont les meilleurs cuisiniers du monde. Oui, papa, il dit, il va tout va malam, colam, va katam. Pensez-vous que les sœurs vont accepter ça? Ah, c'est quoi, hein? Bah, il m'a payé, il va meilleur cuisinier du monde. Attends, là-bas, bateau, dans les avions, sont les hommes qui cuisinent. Les hommes, ça, là, bisson, ma poussa, bissonné. Ah oui, c'est ça. Alors, mais l'homme va prouver un peu là que tu... Frère Branham, un jour, il est allé acheter le produit de vaisselle pour la sœur Veda. Il raconte ça dans le message, non? Il y aura une publicité beaucoup à l'objet. Je vais faire à ma chérie un cadeau surprise. Donc, il était sincère. Il y a une publicité beaucoup pompe, produit Oyo, ce que tu voyais, tout ça. Ah, ok. Alors, je vais lui faire une surprise. Il est allé au marché. Il a trouvé le produit dont on faisait la publicité. Alors, chérie, quand on est mort. Le dé, l'ongani, il y a eu. Hey! Qui t'a conseillé? Qui t'a dit qu'on est comme ça? Regarde, c'est comme ça. Ça fait quoi? Voilà. Ça fait partie de notre message, non? Alors, la vie ne doit pas être trop bloquée. Soyez souple. Ne vous bloquez pas vous-même. Soyez fair play. Gentilhomme. Soyez simple, s'il vous plaît. Vous dites amen? Alors. Il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Comme on peut dire à toi, papa, fais l'œuvre d'un cuisinier. Ça ne fait pas de toi le cuisinier principal de la maison. Si on l'ambi, ouais, il ne faut pas faire une fois c'est passé l'histoire. Ça peut arriver. Pas de problème. Maman, il y a un jour, monsieur, si madame volant, Kumba famille Mobimba. Ben, il m'a payé un volant. Oh, n'a pas l'accident. Non. Attends, même si c'est beaucoup plus, les hommes qui ont toujours. Mais tu peux aussi. Hein? Tu mets aussi la bonne humeur dans la maison. Maman a démarré mon tout cas. Qui est des vieux, oui. Mon beau Kubani Golenga. Et la famille de... L'enfant cadet, là, il touche son voisin. Alors, si nous allons aller, t'as là, Maman, yo, kate, c'est quoi, yo, robet, la bison. Aussi, le gars, si ma wana, c'est l'ambiance dans la famille. On est dans le lingam, là, vous savez, malam, ou kate, c'est le bota. Hein? On ne verra pas toi comme un papa chat, ou une maman, hein, lionne. Donc, il faut établir la communion. C'est bon. Ça, là, voilà ce que c'est. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous, car l'heure viendra où il y aura un changement. Branham dit, cette heure arrive. Très bien. Oh, là-dessus. On ne peut pas mélanger deux ou trois ministères différents. Être pasteur et évangéliser en même temps. Avez-vous déjà entendu ça? Cette vérité ici. L'avez-vous déjà entendu? Même quelque part ailleurs? Oui? Regardez maintenant comment. comment vous commencez à hésiter? Alors, c'est lui qui vous pose la question, il va essayer son enseignement. Je l'ai dit parce que je l'ai déjà dit. Dans ce même terme, comment éprouver un homme? Bon. On vous comprend, monsieur Gokima. C'est pour ça qu'on fait des rappels. C'est le repas de notre maison. Est-ce que Pondou? Oh. Finalement, tu vis dans cette maison-là. Nous, c'est Yoye Bagagagate. Bilo Kotoli, Agapeto Zongla Kolia, Yoye Bagagagate. Est-ce qu'on est à Matembele? Matembele? Pondou? Eh, Pondou? Zela. Ngaï Ngaï? Eh, Moussouni? Non, frère. C'est que tu n'es pas peut-être de la maison. Que Dieu nous aide là. Nous voulons là, par sa grâce, nous en sortir. Donc, petit à petit, la parole doit trouver place à moi. On ne peut pas mélanger deux ou trois ministères différents comme être pasteur et évangéliser en même temps. On ne peut pas être un prophète et peut-être un pasteur en même temps. Voyez-vous? Parce qu'on a des fonctions différentes. Un ministère différent. C'est comme Timothée là. Quand il mérite de faire l'œuvre de l'évangéliste, il ne va pas agir en tant qu'apôtre. Il fait un peu comme un évangéliste. Sachant que son vrai ministère est celui de l'apôtre et pas celui de l'évangéliste. On ne peut pas mélanger les deux en même temps. C'est différent. Par contre, le Seigneur m'a fait part de ce que je devais faire dans mon message. Mais là, il a dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministre. Car l'heure viendra où il ne supporte pas la sainte doctrine. C'est bien ce qui arrive maintenant. Le Branham face à une réalité prophétique. Dans son propre parcours. Il dit, c'est bien ce qui arrive maintenant. Toutes les églises dénominationnelles vont rejeter. C'est en 1965, le 12 juillet, environ 5 mois avant son accident mortel. 18 juillet, parce qu'il a fait son accident mortel la nuit du 18 au 19 décembre 1965, la même année. 5 mois avant l'accident. Il a réalisé ça. Toutes les églises dénominationnelles m'ont rejeté. Elles ne supportent pas la sainte doctrine. Mais au gré de leur propre défi, ils mettront en place leur propre docteur. Et ce ne seront plus que des fables. Toutes ces perversions que nous condamnons. Des fables. Et ils feront des grandes choses. Comme Janès et Jambres, ils s'opposèrent à Moïse, mais leur folie sera manifeste. Voyez, des imitations. Voilà l'heure à laquelle nous sommes. La sainte doctrine est rejetée. Ceux qui disent soutenir la sainte doctrine sont nombreux dans le monde. A commencer par les témoins de Jéhovah. Vous qui disent que ceux qui ont la sainte doctrine, allez chez les catholiques. Ils disent que c'est eux l'église mère qui défend la sainte doctrine et que la Bible c'est quand même leur œuvre à eux. À cause de la première traduction de la Bible en latin, la version appelée Vulgate, ils ont traduit de l'hébreu et du grec en latin. Et même Martin Luther avec l'imprimerie, ils ont utilisé la Vulgate pour traduire la Bible en allemand. En langue allemande. Et de là, les Français aussi, les francophones sont venus, les anglophones aussi. Malgré tout ça, La Bible a prévu qu'ils rejetteront la sainte doctrine. Le fait de déclarer appartenir à la sainte doctrine ne prouve pas que vous êtes réellement dans la sainte doctrine. Ce que j'ai dit là est valable même dans nos milieux de médecins. Le même esprit complexé continue. Il y a des gens qui sont persuadés de défendre ou origine la sainte doctrine. Mais analysez leur croyance point par point. Vous verrez s'il y a cette doctrine ou non. Souvent, ce ne sont que des revendications. C'est de la politique dans l'église. Pour garder les membres et avoir les gens côté de soi. Mais la vraie sainte doctrine est rejetée. Le message original est falsifié par les gens. Que Dieu nous aide à être trouvé dans le vrai, dans l'original, dans ce qui a toujours été. Et que nous-mêmes, chacun de nous, nous restons tel que Dieu nous a fait. Avez-vous compris? Alors nous allons approfondir la deuxième commission de Réunion, Dieu voulant, à partir de dimanche. Nous vous invitons à venir partager le pain de vie. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous maintenant pour la prière. Mon Dieu plus près de toi, oh plus près de toi, c'est le mot, c'est les mots de ma voix, être plus près de toi. Oh, God. L'évangile qui vient d'être prêché. Tu as nourri nos âmes pour nous tenir loin des perversions, pour nous encourager à rester tel que tu nous as fait, à rester dans l'original, à aimer les choses autres, à combattre et rejeter toutes les perversions. Car elles ne peuvent venir que du diable, du Satan. Il n'y a pas la vie dans les perversions. Et même les commissions dont nous parlons de preuve, sont les commissions originales. Nous n'en voulons pas de mauvaises. Oh Dieu, aide-nous à évangéliser à la manière que le message nous enseigne. Attirer notre message de Malachie 4 et aller auprès de ceux qui l'ignorent et leur permettre d'en savoir plus. Ça nous a appris la première commission. Ça nous a montré la place de cela dans les Écritures. Ce n'était pas un mythe. Des choses authentiques. Et quand il y aura des prédicateurs, que les aient des appels authentiques, des commissions originales, qui déterminent des ministères précis, de vrais ministères venant de Dieu, non pas les bruits ni l'agitation, mais les ministères originaux. Fais court ton église chaque fois, place-la dans ton ordre, aide chacun à marcher au pas, dans la grâce de Dieu et la sanctification. Exauce la prière de chacun, sois béni, car tu as réagi quand même, par rapport à nos prières d'hier. Je suis que l'enfant grâce Moukoumani n'arrivait pas à s'élever, et il a pu marcher aujourd'hui. Que ton nom soit béni, oh Dieu, nous prions que tu puisses parfaire le résultat. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.